Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec, la radio communautaire numéro 1 en Amérique du Nord. Et vous êtes à l'émission Terra Incognita en compagnie de Bruno Côté, au choix musical et à la mise en onde, et de Jean-François Lamort aux commentaires. Et c'est encore une bonne émission là, préparée par Bruno. Et tout de suite, en partant, je voudrais vous dire, je vous invite à aller visiter le site Terra Incognita à www.terraincognita, tout d'un bout, là, point Québec. Et là-dessus, vous avez tous les groupes qui sont annoncés pour la convention Terra Incognita. Vous avez aussi les choix musicaux qui sont faits en cliquant sur l'onglet radio. Et je parlais avec Michel aujourd'hui, il me parlait de la page Facebook. Bien, on vous invite à vous inscrire à la page Facebook de Terra Incognita, simplement dans Facebook. Tapez Terra Incognita. En fait, TE, je pense que c'est suffisant. On tombe tout de suite sur Terra Incognita. Et si vous avez des commentaires pendant les plages musicales, vous pouvez nous appeler dans le 418-640-1586. Et bien, pour d'autres commentaires, vous pouvez aussi nous écrire à Terra Incognita, _CKRL@hotmail.com. Et bien, on va poursuivre en musique. On va parler aussi, mais un petit peu plus tard, là, du nouveau magazine Terra Incognita, numéro 44, qui est sorti cette semaine. Mais pour l'instant, on va écouter un peu de musique italienne avec Logos et de l'album L'Enigma de la Vita. Et on poursuit tout de suite en musique. Ciò che dicono le foglie, eccomi nel tuo regno, signora di ferro, sono grandi campi grano maturo. E ovunque tu vada troverai rottami di auto abbandonato, che stanno affondando lentamente nella palude silenziosa dei secoli, fino a diventare parte del sottobosco. I loro vetri saranno rotti e fradici, e l'erba vi crescerà dentro a ciuffi. E si potrebbe anche immaginare che abbiano visto tempi migliori. Thank you. già sono certo, ci sarà anche quella di mio padre, coperta di foglie appena cadute e di pioggia fresca di primavera. Dove saranno finite le coperte da spendere sull'erba per mangiare? Forse qualcuno ha potuto salvarmi dall'impercettibile furia del tempo. Sono la piuma vagante qui mi coso ad ascoltare ciò che dicono le foglie, anche se presto sarò soffiata via. it's the end of my line. I can't go on. I'm walking inside my mind. I'm by myself and I don't wanna go on. Don't wanna go on. I want to live my life. I want you to know just Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-Radioton et le prix spécial Membership. Objectif. 40 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Et nous sommes de retour et la dernière pièce qu'on a entendue, c'est le groupe italien Il Bacchio della Medusa. Et c'était précédé du bon groupe américain de Puppet Show. Et on avait débuté avec Logos et un autre groupe italien. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre toutes ces choses-là. Quand c'est le choix d'un autre, c'est un peu une surprise. Et bien, je vous parlais du magazine Terra Incognita numéro 44 là, qui est sorti des presses cette semaine, en fait, mercredi pour être plus précis. Et dans ce numéro 44, il y a des entrevues avec Fabio Zuffanti, Kinetic Element, Richard Soblum, et qui est le leader de Beardfish, qui a sorti un album absolument extraordinaire que tout le monde devrait posséder. Et en plus des chroniques de DVD, entrevues aussi avec Abigail Ghost et plein d'autres choses intéressantes. Et on poursuit pour ce deuxième bloc parce que c'est un petit peu serré avec Underground Railroad et la pièce Love is a Vagabond King. We'll be right back. atravessar o oceano. Ei, eu todos, e como posso voar sozinho? Aeronaves, é um sinal do início do novo século. Vejam como sobe aos céus, sobe longe no horizonte. Vai, vem, lindo som, o futuro já chegou. O mundo parte a um novo rumo, sabendo que tudo vai melhorar. Na escura desgraça, a estupidez do homem prevalece.

objectif. 40 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30. Par téléphone au 88 640 2575 poste 201. Ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. J'aime ta grand-mère. Du 30 juin au 9 juillet prochain, le Festival en chansons de Petite-Vallée et les Trois Accords vous invitent à venir prendre un bain de chansons près de la grande-mère. Vous êtes chansonneur, parolier ou compositeur et vous aimeriez vivre l'expérience du Festival en chansons? Soumettez votre candidature avant le 13 mars et courez la chance de faire partie de la sélection officielle de l'événement, de profiter d'une tribune exceptionnelle et d'un séjour de perfectionnement hors du commun. Détails et inscriptions au www.festivalenchanson.com. Et c'était le groupe Argos qui a terminé ce deuxième bloc, et cet extrait de leur premier album. Et c'était précédé de Tarkus, un groupe sud-américain, et on avait débuté avec Underground Railroad. Et je vous rappelle que sur le site de Terra Incognita à www.terraincognita.québec, vous pouvez avoir la liste de toutes les pièces qui ont joué. Ça va être déposé probablement demain soir. Et en s'inscrivant aussi sur la page Facebook de Terra Incognita, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Michel met la page à jour assez régulièrement. Et on continue avec un groupe que je connais pas. Bruno va me faire connaître ce groupe-là. Ça s'appelle Profura Ocean. Et c'est extrait d'un album qui s'appelle Watching the Closing Sky. Et on suivra ensuite avec Alpha Taurus.

Ogni cosa che scopri ti cambia, stimolando i tuoi mille perché. Ogni giorno sei un po' più cosciente, diventi te. Alla tua età e

soirée vous est présentée par La Barberie. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radiothon et le prix spécial membership. Objectif. 40 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30 par téléphone au 418-640-2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Et c'était Alpha Taurus de leur dernier album en date, qui s'appelle Atto Segundo, on a entendu. Claudette, et on avait débuté avec Profuna Ocean, un groupe néerlandais que je connaissais pas, donc c'est une découverte pour moi et j'ai trouvé ça très agréable. Merci à Bruno de m'avoir fait connaître ce groupe-là. Et ben déjà le dernier bloc avec deux beaux souvenirs, on peut appeler ça comme ça, le groupe américain Pentwater avec son album Out of the Abyss, un album de 78 qui a été réédité dans les années 90, et ce sera suivi de Mirtrandir, un groupe qui a fait juste un disque en 76, et ça s'appelle For You the Old Woman. Donc on débute avec Pentwater. Thank you. Around him, he crossed a bridge slow and hiding his tracks behind him. giant gun heads down. Your tower flag broke, I fell in your joke. No lie.